dans un resto chinois. Alors moi, j'y étais pas, c'est eux qui étaient, moi j'y étais pas, mais pareil. C'est terrible. Un resto chinois. À Bangkok. À Bangkok, mais où le chinois, il avait l'accent béarnais. Du sud-ouest de la France. Vous reprenez bien. Petite histoire qui nous est arrivée à Bangkok dans un petit chinois. Le serveur était de Shanghai. Il avait un léger accent du sud-ouest, côté béarnais. Le magret flambé et lâché, un petit fumé. Ah, la cuisson, saignant. Vous le mangez trop cuit. J'ai trop cuit. Profitez, c'est fait maison.